Pedro Yombo, chef du département de l'Afrique, de l'Arabe et de l'Amérique latine du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée et sa suite, ont visité la République d'Angola. Ho Yongbo a rendu une visite protocolaire au ministre par intérim et secrétaire des Affaires d'État du ministère des Affaires étrangères et le secrétaire des Affaires étrangères, membre de la commission politique du comité central du Mouvement populaire de libération d'Angola, et s'est entretenu avec le chef du département de l'Asie et de l'Océanie et le chef du département des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères. Ils se sont convenus de dynamiser le va-et-vient des délégations de divers échelons, d'élargir les coopérations dans les domaines de santé, de construction et d'informatique, et de renforcer davantage le soutien et la collaboration sur la scène internationale.